Il y a le fou, la folle, le fou qui vaque, la folie qui va et douce chemine la ruelle. Sa chemise décapitée, sans queue ni tête, décapitée. Il y a un vieux qui se taille une canne, et la vieille qui regarde, et les mâts de misère aussi durs que mâts de misaine, et la tour de pierre qui se perd en prière, et tous les coqs de tous les clochers. Il y a le glas, la brume, le train qui fume, le soir qui entre en gare, les pas qui passent, le passant qui s'égare. C'est l'heure des vaches, les arbres montent au ciel, sur l'eau un saumon saute, un enfant fait des ricochets, un nuage est tout seul. C'est l'heure des vaches, et leurs grandes orbites tristes pleurent de la musique, de la musique, de la musique. Il aura emporté la clé des révolutions de l'amour. Emporter la clé des révolutions.